بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le coup 34 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha. Donc j'ai décidé de faire ça pour avancer parce qu'en fait on est presque arrivé à la fin du livre. Donc pour profiter parce que étant donné que il reste pas beaucoup. Inch'Allah, on va essayer d'avancer un peu là-dedans. Donc, on est arrivé au point dans le troisième fondement sur la foi en le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit maintenant قال المصنف رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il définit maintenant qu'est-ce que c'est la hijra, après avoir mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de la Mecque à Médine. Donc il mentionne qu'est-ce que c'est la hijra, et il dit que c'est se déplacer, hein, et c'est de déménager du pays de shirk vers le pays de l'islam, et que la hijra est une obligation pour cette umma du pays de shirk au pays de l'islam. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il explique ça maintenant un peu plus en détail. Il dit al-hijratu lughatan at-tark wa hiya fi al-urfi al-intiqalu min baladin ila balad. Amma fi al-istilahi, fi istilahi al-shar' fa kama qala al-shaykh wa hiya faridatun muhkamatun lam tunsakh وتجب على المسلم إذا كان في بلد من بلاد الكفار لا يأمن فيه على دينه وعرضه أما إذا كان يأمن على دينه وعرضه فهي ليست بواجبة عليه ولكنها سنة الأولى أن يهاجر المسلم من بلاد الكفار إلى بلد الإسلام والأدلة على إحكام الهجرة صحيحة من السنة وصريحة من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique que selon la langue, la définition linguistique, la hijra signifie le fait de délaisser ou d'abandonner. Et dans yani la coutume, c'est de déménager d'un pays vers un autre, hein, dans la coutume, c'est-à-dire dans la façon dont on l'utilise dans la coutume des gens. Ils utilisent le terme hijra lorsqu'on part d'un pays à un autre. La preuve, c'est que lorsqu'ils viennent parfois même dans les pays de kufr, ils quittent les pays de l'islam pour venir dans les pays de kufr, ils disent qu'ils font la hijra et ils s'appellent muhajiroun, alors que sur le plan islamique, c'est bien entendu, ça ne fait même pas partie de la hijra, et ça s'appelle pas hijra, puisque la hijra c'est dans le sens contraire, c'est lorsqu'on part d'un pays musulman, d'un pays non musulman vers un pays musulman. Et le cheikh explique ensuite que dans le sens religieux, le terme hijra, comme le cheikh l'a mentionné, c'est une obligation qui est muhkama, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas été abrogé. Et donc l'obligation de faire la hijra, c'est quelque chose qui reste jusqu'à la fin des temps, c'est pas quelque chose qui s'arrête après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il dit ensuite que c'est obligatoire pour le musulman lorsqu'il est dans un pays parmi les pays des kuffars et qu'il n'est pas en sécurité dans sa religion et dans son honneur. Tandis que s'il est en sécurité pour sa religion et pour son honneur, alors ce n'est pas une obligation. Dans ce cas-là, ça reste une chose qui est pour lui recommandée, mais ce n'est pas une obligation. Toutefois, c'est préférable pour lui, hein, de faire la hijra du pays des koufars pour aller vers le pays de l'islam. Et les preuves à ce sujet-là, hein, au sujet des règles de la hijra, sont authentiques dans la sunna et sont très claires et explicites dans le Coran al-Karim. Et ça c'est très important donc de le comprendre, parce que surtout à notre époque, et puis des fois aussi le fait que les musulmans maintenant ils vivent dans les pays non musulmans ou qu'ils viennent s'installer dans les pays non musulmans, Et non seulement ça, mais même qu'ils viennent pour s'installer de façon définitive, même dans les pays non musulmans, et de prendre la citoyenneté, par exemple. Et en fait, par la suite, les musulmans prennent ça comme quelque chose d'habituel et de normal, et ils vont s'installer. Puis après, le problème dans ça aussi, c'est que les koufars, eux, ils ont une da'wa, même si c'est quelque chose qu'on ne réalise pas tout le temps, mais les koufars, ils ont une da'wa, et ils sont en train d'essayer d'établir cette da'wa chez les musulmans et dans les pays musulmans aussi, c'est-à-dire la da'wa du kufr. Ils appellent les musulmans au kufr et à la mécréance par leurs idéologies, par leurs principes, par leurs valeurs corrompues, et beaucoup de musulmans aujourd'hui sont influencés par ça. Et ils font une sorte d'intimidation des musulmans dans les pays non musulmans et dans les pays musulmans aussi, pour essayer de leur imposer ces valeurs-là qui sont bien souvent en contradiction avec l'islam. Donc c'est pas juste une question de bouger d'un pays à un autre, mais il y a quelque chose d'idéologique derrière ça aussi. Il y a quelque chose qui est relié à la croyance et aux principes derrière ça aussi, hein. Et donc c'est comme si, par exemple, lorsque des musulmans dans des pays non musulmans veulent pratiquer leur religion, c'est pas dans tous les pays, mais dans certains pays, eh bien, ils vont essayer de leur mettre des obstacles ou des difficultés ou des problèmes. Et des fois, c'est pas fait de façon directe. Des fois, c'est de façon indirecte. Et dans d'autres pays, les koufars sont plus agressifs. Et ils imposent réellement leurs principes et leurs idées aux musulmans. Et lorsque des musulmans refusent de suivre leurs valeurs ou leurs principes, eh bien, ils essaient d'utiliser maintenant la force et même les lois qu'ils ont pour essayer de les imposer de force aux musulmans et d'imposer aux musulmans d'accepter leurs idées et leurs valeurs, même si elles sont contraires à l'islam. Et donc les musulmans par la suite se sentent intimidés à cause de ça, et se sentent même parfois comme bousculés même, hein, et forcés à accepter ces idées-là. Puis ils utilisent des moyens économiques et des moyens de pression politique pour essayer de les faire rentrer dans leur moule, et même aussi avec les médias aussi. Donc tout ça, ça rentre dans ça. Et c'est ça le danger aussi qui est dans le fait de s'installer dans ces pays-là. Et on le subit tous aujourd'hui, Allah al-Musta'an. Le cheikh, il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le cheikh, il dit ici que la preuve que cette obligation, elle est valable jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier, c'est dans le verset 97 à 99 dans surat An-Nisa. Et on va lire la signification de ces versets-là, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc le principe de la hijra, que beaucoup de musulmans malheureusement ignorent aujourd'hui ou ne connaissent pas comme il faut. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala explique, il dit, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes en ne faisant pas la hijra, en restant chez les mushrikins et chez les kuffars, en particulier à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et que certains étaient restés à Mecca, hein, ils se sont fait du tort à eux-mêmes en ne faisant pas la hijra, en restant chez les mushrikins. Et les anges, Allah il dit, les anges enlèveront leurs âmes en leur disant, donc ils vont enlever l'âme de ces musulmans là qui sont restés chez les mushrikins, et ils vont leur dire, où en étiez-vous, hein, par rapport à votre religion. Yani fima kuntum. Yani pourquoi vous êtes resté là? Pourquoi vous êtes pas, hein, vous avez pas fait la hijra? Et ils répondent, nous étions impuissants sur terre. Hein? Ok. Il dit, nous étions impuissants sur terre. Hein, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Hein, vous n'étiez pas capable d'aller ailleurs, là où vous êtes capable de pratiquer votre religion et d'aller faire la hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Quelle mauvaise destination. Surtout qu'à cette époque, à ce moment-là, surtout les musulmans, à la bataille de Badr, ils avaient été forcés même de venir combattre les musulmans. Hein, les musulmans de la Mecque, qui n'avaient pas fait la hijra, ils avaient été forcés par les mouchriquins de Mecca de venir avec eux pour combattre les musulmans. Donc ils se sont mis dans cette situation-là à cause de ça. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas accepté leurs excuses. À l'exception, dans le verset suivant, à l'exception des gens qui sont vraiment dans l'incapacité, hein, qui n'ont pas les moyens, hein, parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui sont incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune façon, aucun moyen. Alors à ceux-là, il se peut qu'Allah pardonne. Et Allah est clément et pardonneur. Donc ça, c'est les versets en question. Et le cheikh, il dit, ces versets-là sont clairs et explicites. هذه الآية صريحة في بقاء الهجرة ووجه الدلالة في توبيخ الملائكة الذين رضوا بالإهانة والضيم في دينهم ولم يهاجروا مع القدرة عليه ولذلك قال بعدها إلا المستضعفين الآية إذا كان الإنسان يفتن في دينه وعرضه من الكفار ولا يقدر على الهجرة فهذا لا إثم عليه أما إذا بقي واستسلم في دينه وعرضه مع قدرته على ذلك فإنه عرضة لذلك الوعيد كما هو صريح من لفظ الآية. Donc le cheikh il dit, ce verset là il est explicite dans le fait que l'obligation de la hijra elle reste, hein, selon la situation et le contexte de la personne. Et le but comme le point qui est tiré de ce verset-là, c'est le blâme que les anges ont fait à ceux qui ont été satisfaits de vivre dans l'humiliation, hein, et dans l'oppression qu'ils subissaient dans leur religion et qui n'ont pas fait la hijra alors qu'ils avaient la capacité de le faire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, mentionne l'exception, à l'exception de ceux qui étaient vraiment faibles et impuissants et qui ne pouvaient pas quitter. Alors, si quelqu'un est dans une situation où il va être éprouvé dans sa religion et dans son honneur de la part des kuffars, et qu'il n'est vraiment pas capable de faire la hijra, alors dans ce cas-là, il n'a pas de péché, hein, s'il ne le fait pas. Tandis que s'il est resté chez les mouchriquins et les kuffars et qu'il s'est il s'est soumis dans sa religion et dans son honneur alors qu'il était capable de faire la hijra mais qu'il a préféré ne pas le faire, eh bien là il est sous la menace de ce que Allah a mentionné dans ce verset là et c'est assez clair dans les termes qui sont employés dans le verset. Puis il dit ensuite, وقال المصنف رحمه الله قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Dans le verset 56, dans Surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est vaste, alors c'est moi seul que vous devez adorer. Et ici, Cheikh Obeid, il dit, يعني إذا لم تمكن إذا لم تمكن عبادة الله في بلد الكفر فإن عليهم أن يهاجروا إلى بلد مسلم أو غير مسلم ولكن يعني تمكنهم أو تمكنهم عبادة الله، لكن تمكنهم عبادة الله على الوجه الصحيح، لكن أو غير نعم، أن يهاجروا إلى بلد مسلم أو غير مسلم، ولكن تمكنهم عبادة الله على الوجه الصحيح. الشيخ الزي c'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables d'adorer Allah comme il faut dans un pays de kufr, alors ils doivent faire la hijra, soit vers un pays musulman ou un autre pays non musulman qui vont les laisser faire l'adoration d'Allah d'une façon qui est correcte. Donc ça c'est dans le cas où quelqu'un par exemple il veut faire la hijra mais il n'est pas capable d'aller dans le pays musulman directement. Donc il peut dans ce cas-là faire la hijra vers un autre pays non musulman mais dans lequel il y a plus de liberté pour pratiquer sa religion. Comme ça au moins il va être capable de se préserver plus, et puis par la suite s'il est capable de faire la hijra vers un pays musulman dans lequel il pourra appliquer mieux sa religion, dans ce cas-là c'est ce qu'il va faire. Mais c'est pour dire que la hijra c'est vers un pays qui est mauvais vers un pays qui est meilleur. Et même si c'est un pays musulman par exemple, puis que t'es dans un pays, on va dire que t'es dans un pays musulman et que dans ce pays musulman là il y a beaucoup de péchés, où il y a beaucoup de bid'a, où il y a beaucoup de perversité, où il y a beaucoup de d'égarements dans une ville. Donc c'est dans ce cas là tu peux faire la hijra de cette ville vers une autre ville, ou même d'une partie de la ville vers une autre partie de la ville où c'est mieux, et ainsi de suite. En fait, donc c'est toujours essayer d'aller vers un endroit qui est meilleur et non pas vers un endroit qui est pire. Et le cheikh il dit aussi وقال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والعبرة كما قرره الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا ورد لفظ عام في قضية خاصة فإنه يبقى على عمومه مع دخول تلك القضية التي هي سبب نزول الآية في العموم دخولا أولويا. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne le tafsir de l'imam al-Baghawi au sujet du verset 56 dans sourate al-Ankabut. Ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est vaste, alors c'est moi seul que vous devez adorer. Et il explique ça en disant que l'imam al-Baghawi a dit que la cause de la révélation de ce verset, c'est à propos des musulmans qui n'avaient pas fait la hijra. Ceux qui étaient à Mecca et qui n'avaient pas fait la hijra. Et Allah les a appelés des croyants malgré tout. Ya ibadi alladhina amanu. Donc ça c'est la preuve que ils ne sont pas devenus des koufars en restant chez les mushrikines, puisqu'ils ne sont pas restés parce qu'ils acceptaient le shirk et le kufr. Ils sont restés pour des questions de dunya ou bien par rapport à leur incapacité ou bien parce qu'ils aiment la dunya. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne croient plus en l'islam ou qu'ils n'acceptent pas l'islam. Donc Allah les a appelés mu'minoun malgré tout. Et il dit wal ibratu kama qarrarahu. Donc le point qui est important de comprendre ici, c'est comme les ulama de usul al-fiqh, ils l'ont mentionné, que c'est le sens général du verset qui est important, non pas la cause spécifique de la révélation. Donc ça c'est une règle dans le tafsir que les ulama ils mentionnent souvent, al ibratu bi'umum al-lafz la bikhusus sabab. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit tenir compte, c'est pas la raison spécifique pour laquelle le verset a été révélé, mais plutôt le sens général de l'application du verset. Et donc lorsque un terme ou quelque chose a été révélé à propos d'une question spécifique, Eh bien, dans ce cas-là, ça, ça reste. Son sens général reste. Hein? Il dit مع دخول تلك القضية التي هي سبب نزول الآية في العموم دخولا أولويا. Malgré que la question, le sens général, hein, il reste, malgré que ça s'applique, bien entendu, à la situation pour laquelle le verset a été révélé de façon primordiale, mais n'empêche que ça s'applique également à tout autre contexte qui correspond au même que le sens général du verset en question. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il y en a des fois, parmi les gens aujourd'hui, ils essaient de limiter ou de restreindre les textes du Coran et de la Sunna à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement. Et puis ils disent non, ça s'est révélé à l'époque du prophète dans tel contexte et dans telle situation, et ça s'applique pas à d'autres contextes que celui-là, ou bien plutôt que ça s'applique pas à notre époque. Parce qu'ils disent non, ça c'est dans le temps, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'était à cause de ça, donc ça s'applique plus aujourd'hui. Ok, donc ça c'est tout à fait faux. Il y a des gens comme ça qui disaient ah, oh, mais le porc il a été interdit à l'époque, mais ça c'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas de réfrigérateur, ou bien à l'époque il n'y avait pas de il nettoyait pas le porc. Maintenant aujourd'hui on a des endroits pour les nettoyer ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est des faux arguments, parce que l'interdiction du porc, elle est valable, peu importe le contexte, hein, dans lequel le porc est placé. Et puis aussi, d'autres exemples comme, ah, le voile était obligatoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, disons que, à cette époque-là, il y avait des guerres. Et là, comme si maintenant, c'est plus pareil. Ça, c'est des exemples. Il y en a qui disent non, la polygamie c'est permis seulement parce que à l'époque il y avait des guerres. Aujourd'hui, il y en a, donc aujourd'hui les gens ils ont plus besoin de la polygamie. Quoi, aujourd'hui il y a plus de guerres, hein? Donc c'est des exemples comme ça. On entend des prétextes que les gens essaient de ramener pour essayer d'interdire des choses qui sont permises ou qui sont ordonnées. Et d'essayer de changer l'interprétation de la religion. Donc ça c'est des ruses comme ça. Le cheikh dit wa qala al musannif rahimahullah wa al dalil ala al hijrati min as sunnati qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tanqati'u al hijra hatta tanqati'u at tauba wa la tanqati'u at tauba hatta tatlu' ash shams min maghribiha. Yani donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ensuite la preuve de la hijra dans la sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hijra ne va pas cesser jusqu'à ce que cesse la tauba, la repentance. Et la repentance ne va pas cesser, c'est-à-dire la validité de la repentance ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que le soleil se lève par le levant, hein, par le maghrib, par son couchant, pardon. Donc, lorsque le soleil va se coucher à l'ouest, là maintenant le soleil se couche à l'ouest, quand le soleil va se lever à l'ouest, eh bien là ça va être la fin des temps. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on ne pourra plus se repentir. Non. Donc aujourd'hui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Eh bien, lorsque ça sera la fin des temps, jugement dernier, il y a un jour où le soleil ne se lèvera plus à l'est, il va se lever à l'ouest. Et à ce moment-là, ça va être la fin des temps, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de repentance possible. Naam. Et le cheikh il dit wa dalla hadha al-hadith ala amrayn. Awalan anna al-hijra muhkama wa anna inqita'aha yakun bi inqita' at-tawbah. وثانيا دل على أن التوبة أن للتوبة حدا وهذا هو الأجل العام وهو طلوع الشمس من مغربها. Donc il y a deux choses qui sont montrées dans ce hadith là. Premièrement, que la hijra c'est quelque chose qui est clair, hein, qui est sans équivoque, et que ça n'a pas été abrogé. Donc, ça va pas être interrompu, cette obligation de faire la hijra, jusqu'à ce que la tauba, jusqu'à tant que la tawba est valable. Et la tawba, c'est la repentance. Et le deuxième point qui est établi par ce hadith, c'est que yani, la tawba, la repentance, elle a une limite. Hein? C'est le terme général qui a été fixé pour la fin hein, du monde, et c'est-à-dire le fait que le soleil se lève à l'ouest. Donc à partir de ce moment-là, il n'y aura plus la possibilité de se repentir de la mécréance ou du shirk ou du kufr à partir de ce moment-là, ou bien des péchés aussi. Et le cheikh dit « Wa qala al-musannif rahimahullah falamma istaqarra bil-madinati umira bi-baqiyati شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الإسلام وأخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que lorsqu'il s'est installé à Médine et qu'il a été établi à Médine, il a été ordonné d'établir le restant des principes de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le hajj, l'adhan et le jihad, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et d'autres, ainsi que d'autres parmi les principes de l'islam. Et il est resté comme ça pendant 10 ans. Hein? Pendant 10 ans à Médine, jusqu'à ce qu'il décède, jusqu'à ce qu'il meure, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que sa religion est restée. Hein, sa religion a continué après lui. Et il dit, Cheikh Ubaid, il dit, لأن رسالته خاتمة وعامة للثقلين الإنس والجن والإنس إلى يوم القيامة لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. Donc la raison pour laquelle son message est resté, c'est parce que son message, il est le dernier. Hein, le dernier qui vient sceller terminer la prophétie, et il est général pour les deux mondes, le monde des djinns et le monde des hommes, jusqu'au jour de la résurrection, et il n'y aura pas d'autres prophètes après lui, comme cela est établi authentiquement dans le Coran et dans la Sunna, et selon le consensus des musulmans. Il dit ensuite, wa qala al-musannif rahimahullah, يعني وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Donc le cheikh il dit, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ceci est ça, et donc sa religion. Il n'y a pas un bien qui existe excepté qu'il a indiqué ce bien à sa umma. Il n'y a pas un mal qui existe excepté qu'il a averti sa umma contre ce mal. Et le bien qu'il a indiqué à sa umma, donc le plus grand bien, le bien le plus important, et c'est le tawhid. Et tout ce que Allah aime est agréé. Et le mal contre lequel il a averti, c'est principalement le shirk et tout ce qu'il déteste et ce qu'il refuse. Hein, tout ce que Allah déteste et rejette. Et il dit ensuite, وَيَدُلُّ لِهَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهَا وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهَا وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى غير ذلك من متواتر السنة مع الآيات الكثيرة من الكتاب الكريم. Donc le cheikh il dit que les preuves de cela dans la sunna, c'est comme le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un prophète qui est venu avant moi, excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à sa umma le bien qu'il connaissait pour la umma, et de les avertir du mal qu'il connaissait, hein, pour la umma. Donc de les avertir et de les de leur apprendre le bien et de les avertir du mal. Et il dit également dans le dans l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Et accrochez-vous à ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. » Et ainsi que d'autres textes qui sont authentiques et qui sont rapportés par de grands nombres de la sunna, et beaucoup de versets également à ce sujet dans le Coran al-Karim. Il dit « Wa qala al-musannif rahimahullah » بعثه الله إلى الناس كافة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit Allah l'a envoyé à tous les hommes sans exception. Et le Cheikh Ubayd il explique دليل عموم رسالته من القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس أي عامة للناس يعني بشيرا ونذيرا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل الحديث وفيه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة. Donc le cheikh il dit la preuve générale du sens général de sa mission et de son message c'est le verset 28 dans surat Saba lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit nous ne t'avons envoyé que pour tous les hommes, de façon générale pour tous les hommes, comme annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment. Et il dit dans la sunna, les preuves à ce sujet, c'est le hadith dans lequel le prophète sallam il dit, on m'a donné cinq choses que les autres prophètes avant moi n'ont pas reçues, n'ont pas été données. Et parmi ces cinq choses, il dit, le prophète avant moi était envoyé à son peuple en particulier seulement, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Et ça aussi c'est une des particularités de l'islam. Les autres peuples avant, ils n'avaient pas la mission d'amener ce message-là à tous les hommes sur terre. Même le message de Isa ibn Maryam, il était particulier aux juifs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait envoyé uniquement à Bani Israël, aux fils d'Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran wa rasulan ila Bani Israël. Donc il aina inni rasulullah ilaykum. Donc ça veut dire Isa ibn Maryam il est envoyé en particulier à Bani Israël, tandis que les autres messagers la même chose pour leur peuple, chacun est venu pour son peuple en particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans le Coran. Et aussi tu vois que même dans la Bible, le Nouveau Testament qui existe chez les chrétiens aujourd'hui, les versets qui mentionnent je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Donc tu vois ça par exemple, c'est mentionné de façon explicite. Puis il y a d'autres textes qui sont dans d'autres versets dans l'Évangile où on a rajouté l'idée qu'il avait annoncé à ses compagnons de partir de par le monde pour aller prêcher ou je sais pas quoi. Puis dans leur Bible, ils disent eux-mêmes, ces versets-là ne font pas partie des plus anciens manuscrits. C'est comme si c'est des choses qui ont été rajoutées par la suite. D'accord? Donc, la réalité, c'est que le message de Isa alayhi salam, il n'a pas été universel, il n'a pas été envoyé pour tous les peuples, mais spécifiquement pour les juifs, pour les fils d'Israël. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le cas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa religion, elle a été révélée pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps, dans tous les pays, dans tous les lieux sur terre. Et c'est pour ça que beaucoup de koufars aujourd'hui, ils ont de la difficulté avec l'islam et ils ont du mal à accepter parce que ils pensent que l'islam c'est quelque chose qui est spécifique aux Arabes ou à d'autres peuples comme autres que les peuples européens. Non, L'islam, c'est pour tous les peuples. Les peuples européens, les peuples américains, les peuples asiatiques, les peuples africains. Tous les peuples sont appelés à l'islam sans distinction, sans discrimination, sans rien de ça. Le cheikh il dit ensuite « وقال المصنف رحمه الله تعالى وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا » Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit et son obéissance a été rendue obligatoire à tous les mondes. Le monde des hommes et le monde des djinns. Et la preuve de ça, c'est le verset 158 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh, dis au Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. » Et le cheikh Ubaid il dit « هذه فيها عموم رسالته ووجوب طاعته وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ولكن قد يقول قائل ما وجه دخول الجن في هذه الآية وهذا ما يحتاج إلى بيان وذلك أن الجن من الناس بدلالة اللغة والشرع فمن جهة اللغة لفظ الناس من النوس وهو كثرة الحركة ومن جهة الشرع حديث ابن عباس عفوا حديث ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن الحديث donc le cheikh il dit cheikh Ubaid حفظه الله il dit que ce verset il y a un sens général dedans de l'obligation d'obéir le messager sallallahu alayhi wa sallam et que ça comprend tous les hommes et même les djinns. Il dit la preuve de ça, le verset qu'on a lu 158, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dis ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et le verset ou plutôt le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a donné 5 choses qu'aucun prophète avant moi n'a reçues. Et il dit parmi ces 5 choses que j'ai été envoyé à tous les hommes tandis que les prophètes avant moi étaient envoyés à leur peuple en particulier. Mais une personne pourrait dire yani de quelle manière fait-on rentrer les djinns dans ce verset là dans le sens que Allah dit dit au Muhammad ô vous les hommes je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc comment on peut faire rentrer les djinns dans ce verset? Et le cheikh il dit ça nécessite une explication puisque yani on peut faire rentrer les djinns dans le terme nas en arabe, c'est-à-dire que le terme nas en arabe nas ça comprend les djinns dans le sens de la langue arabe et dans le sens de la religion puisque dans le sens linguistique le terme annas ça vient de annous. Et annous ça veut dire qu'est-ce qui bouge beaucoup. Et il dit dans le sens de la religion, et il y a le hadith de Ibn Mas'ud dans lequel il dit il y avait des hommes, nas parmi les ins, parmi les êtres humains, et ils adoraient déjà nas parmi les djinns. Donc on utilise le terme nas pour qualifier les hommes et pour qualifier les djinns, même dans Surat الجن الله سبحانه وتعالى يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تو donc il y a ce sens là aussi dans le verset et le cheikh il dit ensuite قال المصنف رحمه الله وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا le cheikh محمد بن عبد الوهاب il dit et il a complété la religion par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la religion elle a été complète après avec la fin de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme c'est mentionné dans le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Eh bien, ce verset, le cheikh il dit, Nazalat hadhihi al-aya sanata ashrin min al-hijra, yawm arafah, wa kana yawm jumu'ah, wa nazalat alayhi bi arafah, sallallahu alayhi wa sallam. وهذه الآية هي آخر ما نزل على من بيان الشرع. وهنا رواية أخرى أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فجمع أهل العلم فقالوا من حيث بيان الدين آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم. ومن حيث التذكير باليوم الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Donc le verset 3 dans sourate Al-Ma'ida, qui parle du fait que la religion a été complétée, il a été révélé l'année 10 de la Hijra, le jour de vendredi Jumu'ah, et le jour de Arafah. Et c'est le dernier verset qui a été révélé pour clarifier la religion et la révélation. Tandis qu'il y a une autre narration qui mentionne que le dernier de ce qui a été révélé, c'était le verset 281 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et préservez-vous d'un jour dans lequel vous serez ramenés à Allah. Et les ulama, certains d'entre eux, ils ont réuni entre ces deux explications-là, et ils ont dit, sur le plan de la religion, la dernière chose qui a été révélée, c'est Al-Yawm Akmaltu Lakum Dinakum. C'est-à-dire, dans la clarification de la religion, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Ça, c'est le dernier verset qui explique la religion, tandis que le dernier verset qui rappelle le jour dernier, c'est le verset 281, et préservez-vous d'un jour dans lequel vous serez ramenés à Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain la suite, Inch'Allah. Naam. Donc سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et donc la fin de ce sharh, il est assez court, donc probablement que on pourra le terminer demain, inshallah. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.